Exercice 7, page 60. A. Vous coupez tout. Tu coupes tout. B. Vous trouvez tout. Tu trouves tout. C. Vous oubliez tout. Tu oublies tout. D. Vous supportez tout. Tu supportes tout. E. Vous multipliez tout. Tu multiplies tout. F. Vous utilisez tout. Tu utilises tout.